certains. Et toi, Kamel? Tout le monde a bien compris ça? Hein? C'est compris? Faut les apprendre par cœur, c'est bon. Ouais, ouais, c'est-à-dire, celui qui va apprendre par cœur, il n'y a pas de mal. Parce qu'ils sont quoi? Ils sont. C'est-à-dire, il n'y en a pas 25, 50, 60 là. C'est un nombre bien précis, entre 13 et 15. Hein? Celui qui regarde l'Ajromiya, ou par exemple le Kawakeb, il pourra les trouver. T'as en tout cas, tout le monde a compris pourquoi Omar, il est même l'Amin al-Sarf? Pourquoi il y a Abdelmajid? Il change. Comme ça, tout ce qui change. Hein, les frères, concentrez-vous, hein, les avec les commandes. Je ne sais pas plus ce qu'il a dit au début. Pourquoi Ousman? Voilà, Ad. Ça veut dire quoi? C'est un prénom qui était sous une forme qui était quoi? Amir. Hein? Par exemple, tu dis Ja Amirun. Il est Mounsarif. Maratou bi Amirin. Amma Omar, il a été quoi? Changé. Taïb. Allez, frère, on essaie de se concentrer. On rigole un peu moins, Inch'Allah. Taïb. C'est compris, Inch'Allah? Ta'ammul Mayali. Et après, il restera quoi, Inch'Allah? Un autre. On avait parlé également du Tarkib, Hadramout. Hein? On n'avait pas parlé ça. Hein? C'est très simple. C'est-à-dire, Hadramout, ça s'appelle quoi? Des prénoms composés. Taïb. Et ça, on le verra, Inch'Allah, dans le Mumta'. C'est quelque chose en son temps. تأمل ما يلي هذا طالب اسمه عمرو أين عمرو ضرب عمرو عمره أبو الوي عمر نبا دو تنوين عمرو طالب جديد طيب لا يوجد نكوا كو دي مو كي سون مرفوع طيب عمرو ها il s'est concentré sur le mot عمر طيب أرأيت عمرا ضرب عمر عمرا سأل المدرس عمرا أسئلة كثيرة هذا كتاب عمر لمن هذا القلم هو لعمر طيب لعبت مع عمر عمر عمرا عمر عمر عمر عمر طيب maintenant ces deux prénoms là ils peuvent se ressembler surtout où بارك الله فيكم quand il est mansoub vous avez compris c'est pour ça qu'on lui met un alif ça veut dire que le waw il est devenu quoi alif pour pas confondre. Vous avez compris là? Parce que si par exemple il n'y aurait pas l'alif, on pourrait le confondre à quoi? À Omar. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Vous avez compris? Voilà. Ça veut dire Amr, il est quoi? Il est Mansarif. Alors que Omar, il est Mamnou' Mansarif. Et quand il est Mansoub, tu lui fais apparaître le alif. C'est bon, Inch'Allah? Mahdi, t'as compris? Qu'est-ce qu'il y a, Atman? Amr, il s'écrit comme ça. Taïb. Taïb. Iqra ma yali. Kharaja min al-fas hamzatu wa talibun akharu. Taïb. Ici, akhar. Également, c'est un nouveau dars. Il est mamnou' min al-sarf. Limada? Liana l'wasfiya ala wazn af'al. Taïb. Tu dis pas wa talibun akharun. آخر طيب إن شاء الله الوصفية ووزن الفعل ما هو أفعل طيب ça veut dire autre نعم un autre et ça tu l'utilises pourquoi المذكر المفرد طيب خرج من الفاس حمزة وطالب آخر طيب بسم الله استأكيد لي تفضل محمد ابو هذا بيتنا ولنا بيت اخر très bien دخل المكتبه قبل قليل المدير المدير les frères c'est bientôt la fin du 2 maintenant le alif lam c'est quelque chose de connu pour vous المدير ورجل اخر لا اعرفه très bien ورجل اخر لا اعرفه دخل المكتبه c'est là le frère c'est la 4 ouais نعم يا فاطمة غزي غاب غاب اليوم بشير وطالب آخر آخر prononcez آخر غاب c'est-à-dire s'absenter غاب اليوم بشير hein بشير aujourd'hui il était absent وطالب آخر et un autre élève رأيت في المطار مدرسنا ومدرسنا آخر très bien بارك الله فيك hein رأيت في المطار مدرسنا ومدرسنا آخر un instant ouais, parce que là c'est un autre truc tout le monde a compris là le premier là là ce sera okhra ممنوع من الصرف لماذا؟ Quelqu'un peut trouver ici? On l'a fait ça. Naam. Je pense. Là, regarde bien. Okhra. C'est ta'anith. Alif ta'anith. Ah, comme quoi? Comme Layla. Vous vous souvenez? Ah, ou Hubla. Vous vous souvenez de ça ou non? Ah non. Et les frères, révisez bien ça, Inch'Allah. Comme ça, quand vous ferez maintenant l'Ajrumiya, tout ça sera que de la révision. Inch'Allah ta'ala. C'est l'alif comment déjà? Ta'anith. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfaddal Mahdi. Sa'ahfadu al-yawma as-surat. Surat al-Rahman. As-surat yakhi? Surat. Surat. Non. Surat al-Rahman wa surat al-Ukhra. Wa surat al-Ukhra. Sa'ahfadu al-yawma surat al-Rahman wa surat al-Ukhra. Sa'ahfadu c'est quoi? Du madhi, du mudhara, du amr. C'est c'est-à-dire je vais apprendre. Je t'ai demandé de traduire, ben vas-y. J'ai galère. Les frères, hein, concentrez-vous, on rigole moins. Hein. Ça, c'est important, ça. Et concentrez-vous sur les questions. Je t'ai demandé, c'est quel temps tu me dis ça veut dire? C'est quoi la question? Si je te dis, menhada, je t'ai dit, ouais, il fait un 82, et... C'est ça la réponse? Non, c'est vrai, regarde bien. Toi, tu me dis, menhada. Je t'ai dit, ouais, les bras, il fait, il est... Non, c'est pas ça une réponse. Une question, elle a une réponse. Moi, je t'ai dit, quel temps ça? Je t'ai dit, mardi, mudhara ou amr. C'est quoi? Mudhara. Kif araft? C'est le A. Le A, taïb. Akala. Le signe. Quel signe? Le signe, ah, le signe, tu veux dire le signe, la harf, signe, taïb. Il faut le calmer, attraper, Mahdi. Taïb, le signe, c'est quoi? Khaz bil mudhara. Ahsan, barakallahu fik. Au suivant. Très bien. عندي ساعة جميلة وسيشتري لي عمي ساعة أخرى. غابت أمس حفصة وطالبة أخرى. أحسنت. ما معنى غابت عبد الكريم؟ absente. Très bien. C'est bien. Au suivant. هذه تفاحة تفاحة تفاحة نعم. تفاحة. Ah, Kamal. Tu vois, tu peux, Kamal. Précise-toi pas. Lisez doucement, sûrement. هذه تفاحة أخرى يا أمي. Très bien. Hati, c'est quoi? Mudara, madhi, amr. Si tu me réponds, tu me donnes un dalil. Hein? Quand tu viens de dire ça à la maman, là, c'est après? Non, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est-à-dire, déjà, on fait sortir quel temps? Le madhi. Le madhi. Il nous reste quoi maintenant? Le mudara. Ou l'amr. Regarde, est-ce qu'il y a un signe du mudara devant toi là? Regarde, c'est ça, les frères. Vous pouvez répondre, mais directement, vous vous sentez. Vaincu là. C'est quoi le mudhara? Comment tu peux le reconnaître, Kamal? Une des quatre lettres. Hein? Al-Hamza, Wal-Nun, Wal-Ya, Wal-Ta. Il y a une de ces quatre lettres là? Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Al-Amr. Et le signe c'est quoi? Al-Ya. Al-Mukhataba pour le féminin. Hati. Comme ça. Taïb, Kamal? Inch'Allah. Appliquez ce que vous apprenez. A toi, Daoud, barakallahu fik. Taïb, je vais répéter ce que tu as dit. Hein, et concentre-toi. Tu as dit Ra'aita fil maktabati. C'est Ra'aitu tu... Très bien. Taïb. Ra'aitu fil maktabati Layla wa talibatan ukhra. Au suivant. Taïb, afwan. Naam, tfaddal. Pomme. Pomme. C'est pas tufah. Tufahatun aussi. C'est le jeans là. Tufahatun. On verra ça, Inch'Allah. C'est le genre. Comme tu dis, les poissons. Ça concerne tout. Tufahatun. Mufum. Voilà. Samakatun. Tufahatun. Shajratun. Mufum. Taïb. Akmil al-jumal. Al-atiya biwad akhar ou ukhra fil farag. Il te demande complète les phrases suivantes en mettant soit akhar ou ukhra. C'est-à-dire quoi? Fil farag dans le vide. Darastu l'ughat al-turkiyata wa l'ughatan. On dira quoi ici? Ukhra. Pourquoi on n'a pas dit akhar? C'est du féminin. Taïb, Inch'Allah. Et ça, on l'utilise beaucoup, ça, quand on parle, nous. Hein? Ça veut dire, faites attention entre akhar et ukhra. On s'est arrêté où? A toi, Abdelhamid, vas-y. Très bien, barakallahu fik.

ce qui est avant dhu, s'il est ma'rifa, ce qui viendra après dhu, il sera ma'rifa. C'est-à-dire, tu ne dis pas, par exemple, عندي دفتر ذو الغلاف. لا هذا خطأ. مفهوم؟ تقول عندي دفتر ذو غلاف جميل. طيب أريد دفترا ذا غلاف أخضر. مفهوم؟ طيب بسم الله صغيتي. تفضل أيمن. رأيت مع المدير رجلا ذو لحية. لا رجلا ذا. لحية بيضاء. لحية بيضاء. Très bien. ذو النظارة النظارة الجميلة. نعم. من هذا الرجل؟ أبو تابع. من هذا الرجل ذو الشعر ذو الشر شعري ذو الشعر خبيا طويل. طيب صديق واسع ما كي لم كي بوسب دي شو مالا دي لون شفو وصفا ذاك رجولا ذاك ذاك رجولا ذا القميص الأصفر ذا القميص الأصفر ذا القميص طيب ذا القميص الأصفر وسيفون لمن ذاك البيت ذو النوافذ نوافذ ضيقة سيجعل لي بتيت فنتر عندي نعم عندي معجمون ذو صور ملونة. Très bien. عندي معجم ذو صور ملونة. C'est-à-dire quoi? Un dictionnaire à couleur. Suivant. اشتريت معجما ذا صور ملونة. Très bien. C'est la même phrase, mais ça, il est منصوب. Suivant. في قرياتنا مسجد ذو منارة واحدة. نعم. منارة واحدة. Suivant. رأيت مسجدا ذا منارة واحدة. Très bien. Tout le monde a compris, Inch'Allah, ce dars? Hein? طيب. C'est quand on utilise petit. ضيقة. C'est quand? Ouais. Parce que nous, petit, on commence à rire. J'ai pas bien. Moi, je dis ça pour petit. Quelque chose de petit, je dis ça rire. Ouais, c'est petit et même. Ça, là, c'est étroit. Étroit. Voilà. Ça veut dire, toi, tu veux dire quand est-ce que tu vas utiliser ça? Ouais. Il n'y a pas de mal. Par exemple, si toi, tu as vraiment des toutes petites fenêtres, tu diras par exemple, عندي ماذا نوافذ ضيقة. Une forme, c'est-à-dire, elles sont étroites. أو عندي نوافذ صغيرة ما في شيء. C'est un synonyme. نعم, تفضل. Vie. Voilà, par exemple, si je vous donne un exemple hein, pour répondre au frère Wahbi, مررت برجل ذي لحية. طيب si vous le voulez je vous l'écrivez. طيب ce sera pareil. جاء أبوك. Tout le monde y est. رأيت ماذا أباك. مررت بأبيك. الواو والألف واليا. طيب جاء أخوك. رأيت أخاك. مررت بأخيك. هذا معنى. C'est bon, oui. Peut-être qu'on va le voir plus tard, je ne sais pas, mais pour Zahet ou Dawet, il y aura un changement aussi. Ouais, ouais, c'est-à-dire Mansou, Mefto, mais pas comme ça. Ouais. Ça, c'est pour Zou. Voilà. Taïb, Inch'Allah. Grand 13 ans. Ta'amel al-amthil al-atiya, l'imma al-mansoula. Taïb, il te demande de regarder attentivement les exemples suivants avec ma al-mansoula. On a étudié quoi? Al-ma al-istifhamiya. ما هذا tout le monde se souvient. طيب الماء ماذا ايضا نافية ما اكلت. Il nous reste quoi ici? C'est-à-dire quand je dis reste quoi, il y en a encore des autres. C'est juste par rapport à ça. ما الموصولة qui correspond à quoi? À الذي. Mais vous اكل ما تاكل. Et comment on sait que c'est le موصولة? C'est que tu peux l'échanger avec الذي. اكل الذي تاكل. Vous avez compris ça? Inch'Allah. Non, c'est Al-Ladi. Dans les deux cas, c'est là tu me traduis. Mais au niveau du sens, c'est tu peux le remplacer par Al-Ladi. C'est-à-dire toi, si demain, Inch'Allah, tu veux savoir est-ce que c'est mal mansoula, tu la changes avec Al-Ladi. Mais faut mada? Regardez bien, Barakallahu Fikou. Regardez, il dit Mada ta'koul ya Ali. Tout le monde y est? Mada ta'koul ya Ali.

طيب القرآن on dit quoi كلام الله مفهوم المصحف si vous avez fait attention il a un pluriel مصاحف tu peux dire هذا مصحف كبير هذا مصحف صغير مفهوم لا تقول قرآن كبير أو قرآن صغير لا مصحف لماذا هو المصحف هو الذي يتضمن الكلام الله طيب نعم سيدير سيد المصحف سي لا شوز وكيا كوا ويا لا بارول دالله معناها القران طيب سي بور سا تا لو دو دير بارك الله فيك مصحف كبير مصحف صغير او مثال مصحف مصري ولا تقول مثال قران مصري فكان كوران سي لا بارول دالله مفهوم يا با البلوريال دو كوران Vous avez compris ça ? Il n'existe pas le pluriel de Qur'an. Et si on dit Al-Qur'an, c'est le Qur'an, il est ma'ruf, kalam Allah. Mais tu as le droit de dire, j'tareitu mus'hafan. Vous comprenez là ? J'tareitu mus'hafan, ma ma'na ? Alladhi yatadhamma ma'na, kalam Allah. Vous avez bien compris ça ? Naam. Mus'haf, c'est l'objet. C'est-à-dire, c'est la chose. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans les librairies et tout ça. Mais faut, tu peux dire un mus'haf, sagir, mus'haf, kabir. نعم كونتينر نعم طيب تأمل ما يلي هذا الورق مسطر وهذا الورق غير مسطر هذا الخبر صحيح هذا الخبر غير صحيح طيب ici غير il peut changer il peut être مبتدا il peut être خبر مفهوم mais ce qu'il faut savoir ce qui viendra après بارك الله فيكم il sera مجرور طيب ان شاء الله بالمثال يجي هذا مبتدا الورق ايش بدل غير خبر وهو مضاف مسطرين مضاف لي دائما المو كي viendra après sera مجرور الكلمات الجديدة مصحف جمع مصاحف طيب زي كما نادية الذي يتضمن الكلام قماش جمع أقمشة سيغ تيسو ضيق صغي مسطر غيوغ كنت تدي بار اكزامبل الورق مسطر دي فا يغيوغ غابة يغيب سابسنتي حلوى جمع حلاوة بونبون سكرري نموذج نماذج طيب انا بدي كوا موديل طيب اخر مؤنث اخرى اوتر شيء ان شوز جمع اشياء اشترى يشتري لو فيرب اشتي صف جمع صفوف غون صوره جمع صور فوتو اسمر مؤنث سمراء كلكان سادير برا او برون او مات او مات Quelqu'un a une question là ? Il est là. Voilà qu'il m'en fait comme. C'est ça que tu vas faire.